Comment diriez-vous une fois? Una volta. Una volta. Et deux fois? Deux se dit due. Je vous rappelle aussi que quand on a un mot féminin qui se termine en a, son pluriel se termine en e, comme la vacanza, les vacanze, les vacances. Sachant tout ça, comment direz-vous deux fois? Due volte. Voilà, due volte. Due volte, c'est deux fois. Donc, vous voyez que les mots en A se terminent par E au pluriel. Volta, volte. Les mots en O se terminent par I au pluriel. Libro, libri. Comment traduiriez-vous « je peux le faire » ? Posso farlo. Et « je pourrai le faire la prochaine fois au futur » ? Potrò farlo la... Prossima volta. Bien. Potrò farlo la prossima volta. Et comment dites-vous « je pourrai le faire » ? C'est inconditionnel. Potrei farlo. Bien, très bien. Potrei farlo. Oui. Et traduisez, mais je ne peux pas le faire maintenant. Ma non posso farlo ora. Ma non posso farlo ora. Très bien. Parmi les verbes porte-manteau dont je vous parlais tout à l'heure, il y a aussi vouloir. Voglio, je veux. Et vuole, il veut, elle veut ou vous voulez. Au conditionnel aussi, bien sûr. Par exemple, je voudrais, qui se dit? Vorrei. Vorrei, oui. Et vous voudriez? Vorrebbe. Vorrebbe. Et puis, évidemment, après vouloir, on peut mettre notre verbe. Par exemple, je veux manger. Voglio mangiare. Voglio mangiare. Oui. Et si on voulait insister un peu plus et dire je souhaite vraiment manger, mot à mot en italien, je désire manger. Desidero mangiare. Desidero. Voilà, qui s'emploie beaucoup plus que son équivalent français désirer. Vous ne direz jamais je désire manger, tandis qu'en italien, c'est fréquent d'entendre desidero, suivi de notre verbe. Alors, si vous voulez dire tout simplement je veux le voir, vous direz voglio vederlo. Voglio vederlo. Voglio vederlo. Vous pourriez dire aussi je souhaite vivement le voir. Je désire le voir. Qui, comme je vous l'ai déjà dit, ne s'emploie pas vraiment en français, mais dont l'équivalent est fréquent en italien. Alors, je souhaite vivement le voir, comment diriez-vous ça? Desidero... Desidero le voir. Desidero vederlo. Desidero vederlo. On pourrait dire aussi, j'aimerais le voir. Mi... Mi piacere vederlo. Non, mi... Conditionnel. Conditionnel. Mi. Mi. Pi. Quelles sont les terminaisons du conditionnel? Rei. Ça, c'est pour la première personne, pour je. Mais... Piarebbe. Non. Il faut reprendre toute la racine du verbe, sa partie principale. Ah oui. Piace. Piacerebbe. Oui. Mi piacerebbe le voir. Vederlo. Mi piacerebbe vederlo. J'aimerais le voir. Comment diriez-vous maintenant? J'aimerais beaucoup le voir. Mi piacerebbe molto vederlo. C'est bien. Mi piacerebbe molto vederlo. Au lieu de mi piacerebbe, j'aimerais, on peut dire aussi je voudrais le voir. Qui donne? Vorrei vederlo. Vorrei vederlo. C'est ça, vorrei vederlo. Vous voyez qu'il y a beaucoup de façons d'exprimer une seule et même pensée.